cette conférence en provenance d'une autre planète, Montréal, ayant pour titre les contactés extraterrestres. Je vous résume un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Il y a toujours des hommes et des femmes qui ont été en contact avec des êtres provenant des autres mondes, de d'autres mondes. Certains parlent de Vénus, d'autres de la Lune ou de Jupiter. Plusieurs prétendent que leur contact est vrai et que les autres sont faux. Il y aura même eu des contacts oubliés sous l'effet de l'hypnose, parce que les extraterrestres avaient d'autres plans que de se faire connaître. Certains contactés prétendent que les extraterrestres des autres sont des mauvais êtres et qu'ils sont un danger pour notre civilisation. Pourquoi y a-t-il eu des personnes contactées par ces êtres? Comment reconnaître les bons des autres? C'est quoi un contacté extraterrestre? C'est une personne qui dit avoir eu un contact avec un extraterrestre. Est-ce que, oui, c'est ça, c'est des personnes qui l'avouent, mais est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des contactés extraterrestres qui n'avouent pas avoir été contactés ou qui n'ont pas conscience de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand une personne est contactée par un extraterrestre pour la personne qui le vit? Ça dépend des personnes. Ça dépend des extraterrestres. Il y a combien de types d'extraterrestres? Oh! Exposant! C'est beaucoup. Donc, il y a beaucoup de possibilités. On peut être contacté de plusieurs façons. Ben, si on considère qu'il y a quelques milliards d'étoiles dans notre galaxie, qu'il y a quelques milliards de galaxies, qu'il y a quelques milliards d'univers, qu'il y a quelques milliards d'endroits où on peut avoir de la vie, alors combien de sortes d'extraterrestres? Ben, combien de sortes d'extraterrestres viennent se mettre le nez dans les affaires de la Terre? Ça, c'est une question plus précise. OK. Ben, imaginons que c'est à ça ma question. Combien d'extraterrestres viennent se mettre le nez dans les affaires? Une quarantaine. En provenance de 40 endroits différents? Non, en provenance de différents endroits. Qui ne sont pas nécessairement 40. C'est ça. Moins que ça, théoriquement. Donc, il y a plusieurs types d'extraterrestres qui peuvent venir du même endroit. Non, il y en a qui viennent de différents temps. On peut dire que c'est le même endroit, mais ce n'est pas le même temps. Donc, ce n'est pas le même endroit, mais c'est le même endroit. Il peut donc y avoir des extraterrestres par rapport à la planète, puis des extraterrestres par rapport au temps. Mm-hmm. La différence entre les deux, j'allais te poser la question, mais je vois venir la réponse tout de suite. Je te la poserai pas comme ça. Les extraterrestres du temps, ceux que tu entends extraterrestres parce qu'ils sont dans un autre temps, est-ce qu'ils viennent de la planète Terre? Bon, il y a les extraterrestres qui sont, enfin, des phénomènes qui sont considérés comme extraterrestres, qui sont terrestres, qui viennent justement de l'avenir, donc qui viennent de la planète Terre. Et il y a les extraterrestres qui sont considérés comme extraterrestres, qui viennent de la Terre, ce sont des intraterrestres, donc des anciens extraterrestres qui sont arrivés ici il y a de cela quelques années. Et il y a les extraterrestres qui proviennent d'une autre planète ou d'une autre lune, c'est-à-dire c'est des personnages qui... habite présentement, enfin, se cache derrière la Lune, derrière Vénus, derrière d'autres lunes, l'une de Jupiter, entre autres, Ganymède. Et il y a aussi des mécaniques extraterrestres qui ne sont pas des êtres extraterrestres, qui entrent en contact avec la conscience de l'homme, la conscience de la femme et la conscience de l'enfant. Et c'est un phénomène extraterrestre en ce sens que ça ne provient pas de la Terre. C'est une énergie. Quand on parle d'énergie solaire, c'est nécessairement extraterrestre. C'est solaire. L'énergie de la planète, elle est extrasolaire, elle ne vient pas du Soleil, l'énergie solaire est extraterrestre. Il y a de l'énergie cosmique, c'est nécessairement extraterrestre, la Terre n'en rien ne fait à peu près pas. Et il y a de l'énergie supramentale aussi, qui est une mécanique extraterrestre et qui fait partie de ce qui va engendrer la plus grande intervention extraterrestre dans les années à venir, et qui fait partie de ce qui est le moins connu comme vecteur extraterrestre à travers ceux qui... J'allais dire, Charie, disons, parle des interventions extraterrestres ou encore des rencontres du troisième type. Donc, le plan supramental, c'est un plan... De toute façon, c'est toujours, quand on rencontre toujours le troisième type, c'est on rencontre jamais le boss. C'est bon. Alors, comme ils ont toutes fait des rencontres du troisième type... La troisième catégorie. Bah, c'est toujours le troisième type qu'ils rencontrent. Donc, ils rencontrent le premier type. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des rencontres extraterrestres, on parle ici de contact extraterrestre, on sous-entend que c'est un contact physique ou visuel. C'est-à-dire que troisième type, sans farce, ça veut dire contact, communication, avec le corps physique et corps physique, on se rencontre. Deuxième type, c'est normalement des traces laissées au sol ou des traces visibles du passage d'une mécanique extraterrestre. Du premier type, c'est lorsqu'on voit une soucoupe volante, un aéronef qui part se promener. Puis lorsque... Et je te dis que le 25e type, c'était jouer aux échecs avec un extraterrestre. Ah, ça c'est le 25e. Mais quand on est contacté par le plan supramental ou si on a un contact avec le plan supramental, ça c'est un contact extraterrestre aussi. Mais oui. C'est de quel type? Bon, c'est pas important le numéro, mais je dis c'est ni un, deux, trois. Là. Non, c'est ni un, ni deux, ni trois. C'est un contact entre l'esprit de l'homme et l'homme. Donc ce n'est pas. C'est un contact extraterrestre, mais ce n'est pas un contact comme les égaux humains veulent en rencontrer, c'est-à-dire que c'est pas une personnification extraterrestre. Ce n'est pas un personnage qui vient jaser devant toi, ou qui vient dans ta chambre, ou qui rentre dans ta tête. Ce n'est même pas une voix qui te parle. Et ce n'est pas dangereux. Ça dépend. Non, ça s'amène... Ça peut être dangereux. Ça s'amène où est-ce que tu es, mais ce n'est pas dangereux. C'est dangereux pour l'ego et pour le corps physique. C'est peut-être pas dangereux pour le plan supramental. Ben, c'est dangereux pour l'ego, oui. C'est dangereux pour le corps physique à cause de l'ego. C'est pas dangereux pour le corps physique. Il y a différents types de contactés. Je me souviens par contre. Les malades et les autres. Ceux en Europe, entre autres, il y avait deux clans ou deux personnes qui mentionnaient avoir été contactées. Puis les deux disaient, il y en a un qui était un ambulancier, je pense. Et puis, je sais pas s'il travaillait au service santé, lui. Parce que c'était le SAMU. SAMU. SAMU? Oui, service ambulancier médical d'urgence. Okay. Non, à l'époque, ça n'existait pas. Mais les deux étaient convaincus que l'autre était un imposteur ou avait... Ils sont toujours convaincus. Pourquoi ça fonctionne comme ça, ces mécaniques-là? Pourquoi les deux ont l'impression d'avoir été contactés par le bon puis l'autre par le mauvais? Est-ce que ça peut pas être le même clan d'extraterrestres? C'est souvent les mêmes extraterrestres qui rencontrent les humains, et les humains se font la guerre pour la simple raison que les humains veulent toujours posséder ce qui est de mieux, enfin ce que les autres pensent de mieux. Comme par exemple, si Dieu rencontre un être humain, ben alors nécessairement, l'humain qui aura parlé avec Dieu sait que toutes les autres divinités, les autres religions sont mauvaises. Son Dieu, le bon. Bon. Alors quand tu rencontres un extraterrestre et que tu as beaucoup d'ego, bien ton extraterrestre, c'est le bon. Alors, Jean Miguère, qui était l'ambulancier, il a eu un accident d'ambulance. Et puis, il a été guéri par une mécanique extraterrestre en quelques jours, en quelques semaines. Il a fait plusieurs conférences en Europe. Il en a fait ici aussi au Canada. Moi, je l'appelais Belzébuth, à un moment donné, quand je l'ai rencontré. Mais c'est le seul nom qui me revenait. Mais... Lui avait comme message, premièrement, c'est que les extraterrestres lui ont demandé de ne jamais rien révéler. Et je lui ai posé la question, c'est drôle que tu dises ça, parce que depuis qu'ils t'ont parlé, tu fais des conférences pour dire ce qu'ils t'ont dit, et en disant qu'ils t'ont demandé de ne rien dire. Une forme de discrétion extraterrestre. En tout cas, c'est une chose. Et la majorité des contactés que j'ai rencontrés, c'est des gens qui, justement, ne devaient rien dire, qui s'évertuaient à dire à tout le monde tout ce qu'ils ne devaient pas dire. Ça donnait bien, personne ne les croyait. Mais quand même. Le deuxième, c'est Claude Vorion, qu'on connaît sous le nom de Raël. Et lui aussi a eu un contact, c'est un journaliste, il a eu un contact avec une mécanique extraterrestre, et son plus grand ennemi a été Jean Miguère. Et vice-versa, le plus grand ennemi de Jean Miguère a été Claude Vorion. Donc, les deux avaient rencontré les bons, l'autre avait rencontré les mauvais. Les deux ont raison. Les deux ont raison? Oui. C'est que, dans chacun des clans, l'autre est un mauvais, parce que ces deux entités extraterrestres se font la guerre. Donc, toi, tu donnes obédience à un, et nécessairement, l'autre, c'est le mauvais, puis il fait vice-versa. Les extraterrestres de Claude Vorion sont des Elohim, c'est-à-dire c'est une mécanique qui a comme fonction cosmique d'engendrer des corps physiques, d'engendrer des races, de préserver la génétique des races pour la recréer sur d'autres planètes en cas de encore d'extinction des races. Alors, les Elohim vont, par exemple, ce qu'ils font présentement ici, c'est qu'ils ramassent certaines génétiques humaines, les transposent sur d'autres planètes et vont recréer des corps, donc des clones. Ils vont recréer des corps pour permettre à de l'intelligence supramentale de pouvoir les habiter en cas d'extinction de la race humaine sur le plan planétaire. Sauf que ce que les égaux qui prêtent leur corps ne savent pas, c'est que l'égo lui-même est attaché au plan planétaire, il n'est pas de caractéristique extraterrestre. Donc, si on prend le corps physique d'un humain et qu'on le recrée par clonage ailleurs, l'individu qui était dans le corps physique sur le plan planétaire ne se recrée pas là-bas. Le corps physique restera immortel, mais l'individu lui restera mortel. Bon. En ce qui concerne Jean Miguère, lui, les extraterrestres qui l'ont contacté sont des intraterrestres, et les intraterrestres ont une peur fabuleuse de la mécanique extraterrestre. Les intraterrestres essaient, on a vu un peu la semaine dernière, ils essaient de voler la génétique humaine de façon à pouvoir se l'approprier parce qu'ils doivent sortir du contexte souterrain, et pour cela, ils doivent se faire de la place à l'extérieur de la planète. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils polluent, on l'a vu un peu avec l'effet de serre, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin d'anhydrite sulfureux, d'anhydrite nitreux, comme on en retrouve sous la Terre, donc ils ont besoin de pluies acides, enfin c'est ce qui va créer les pluies acides. Ils ont besoin de plusieurs choses qui vont faire qu'ils forcent d'ailleurs les industriels de la planète à placer dans l'écosystème pour pouvoir leur permettre de sortir. Ils s'efforcent d'engendrer un désarmement nucléaire entre les deux grandes nations pour la simple raison qu'une bombe nucléaire, ça va détruire leur génétique. Leur génétique est trop faible. Ils s'arrangent en même temps pour dynamiser des peuples fanatiques pour que ceux-ci entrent en guerre contre le reste de la planète de façon à ce que l'humain s'élimine un peu de par lui-même, parce que nos forces militaires sont capables de les anéantir sans problème. Par contre, nous attendons des dieux, pas eux. Donc, leur force psychologique est capable d'anéantir l'humain sans trop de problèmes. Ces intraterrestres ont peur des extraterrestres, parce que les extraterrestres, à travers toute la mécanique extraterrestre, il y a premièrement les gardiens des intraterrestres, donc ceux qui les ont menés ici il y a de cela quelques années, qui se cachent sur Vénus, surtout, et un peu sur Ganymède. Ganymède sont les surveilleurs de Vénus, Vénus les surveilleurs de la Lune, ceux qui surveillent le contexte planétaire. C'est compliqué, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. Et il y a surtout l'intervention extraterrestre supramentale, et c'est surtout vers celle en face de cette énergie que l'intraterrestre a peur. Les Elohim, donc une grande mécanique extraterrestre, ne fait pas confiance suffisamment à la génétique humaine comme capteur d'intelligence extraterrestre supramentale. De ce fait, ils essaient de préserver de la génétique ailleurs. Fait que tout le monde, qu'il soit intraterrestre ou extraterrestre, d'après ce que tu dis, essaie de... leur but, c'est le corps physique de l'homme tel qu'il est. De le conserver, de l'améliorer, de l'accaparer, mais c'est toujours le même... Toute la vie planétaire a été basée uniquement sur une seule chose, c'est faire évoluer les corps physiques. Quand l'humain se plaint continuellement que ça va mal, cosmiquement, on s'en fout que ça aille mal. Quand l'humain se plaint, mais oui, mais si Dieu existe, pourquoi qu'il n'a pas? Dieu se fout de l'homme, se fout de la femme, se fout de l'enfant, se fout de tout ça. Ça ne le regarde pas. Il ne peut rien faire de toute façon, mais il s'en fout de toute manière. Même s'il pourrait intervenir, il ne peut pas intervenir, il ne peut... Bon, il s'en fout. Quand l'humain se dit, oui, mais ça n'a pas de sens, quelqu'un va venir nous sauver à un moment donné. C'est même pas vrai, ça c'est pour permettre à l'humain de ne pas se suicider, c'est pour permettre à l'humain de continuer, puis de s'en aller vers un sauveur. Puis le sauveur, lorsqu'il passe, eh bien, il meurt sur une croix, il s'en retourne, puis il laisse tout le monde là, béat, la bouche tout grande ouverte. Et depuis ce temps-là, on massacre les Juifs parce qu'ils ont tué le Nazaréen. Bon, ça, on occupe l'humain. On fait des croisades pour aller délivrer le tombeau du Christ en Terre Sainte, alors qu'on n'a rien à foutre d'une pierre tombale. Mais on va s'entretuer pour ça. Et ça fait des guerres, comme on en a encore dans plusieurs pays, et ça va faire des guerres saintes, comme on va en retrouver dans les années qui vont venir. Probablement. C'est pas encore dit. Alors, l'être humain ne comprend pas le principe. L'être humain, premièrement, n'a pas de libre arbitre. Il est convaincu qu'il en a un alors qu'il ne décide absolument rien de sa vie. Il ne décide pas de la couleur de ses yeux, il ne décide pas de l'heure de sa mort, il ne décide pas s'il va aimer ou ne pas aimer quelque chose. Il ne décide pas des maladies qu'il va avoir, il ne décide même pas s'il fait le bien ou le mal. Il s'en rend compte après que c'était bien ou que c'était mal, puis il décide même pas s'il se culpabilise ou non. Il se sent coupable ou il se sent pas coupable. Bon. L'être humain vidéo et débat uniquement parce que c'est la seule façon de faire muter un corps physique par cellularisation, donc de transformer les corps physiques, c'est-à-dire d'améliorer votre génétique. L'être humain mute de son vivant et l'être humain mute nécessairement de génération en génération. Les intra et les extraterrestres ont besoin des corps physiques. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est l'intelligence, on peut appeler ça l'Esprit Saint, c'est la même chose, c'est un terme, disons, de l'antique religion. Bon, l'Esprit Saint, l'intelligence supramentale, l'énergie christique, c'est tout la même chose. L'Esprit Saint, c'est de l'énergie qui, à un moment donné, devra habiter de la matière de façon à faire une liaison entre ce qui est de plus dense dans l'expression de l'énergie, donc la matière, et ce qu'il y a de plus raffiné, l'intentionnalité, une mécanique qui est presque extra-créationnelle. C'est pas extraterrestre, c'est au-dehors de la création. L'être humain, à l'intérieur de cela, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est de l'intelligence, il est ce qui comprend. Sauf que l'être humain, le corps physique, n'a pas la capacité de recevoir l'homme, il n'a pas la capacité de recevoir la femme, il n'a pas la capacité de recevoir l'enfant. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit la mémoire de la femme, la mémoire de l'homme, la mémoire de l'enfant. On peut réellement dire que présentement, tous les individus qui sont ici, ou ceux qui ne sont pas et qui écoutent, n'habitent pas leur corps physique. La mémoire de ce qu'ils sont habite le corps physique, ce qui peut rentrer à l'intérieur. C'est exactement comme si vous êtes des chevaliers, vous avez une armure, et pour rentrer dans telle pièce, vous devez rentrer de travers et ça ne rentre pas. Le trou est trop petit. Alors vous allez ôter le home, vous allez ôter le plastron, vous allez ôter les genouillères, et vous allez vous réessayer, ça passe presque. Vous allez ôter les coudes et là vous vous réessayez et là ça passe. Là vous sortez. Vous venez de rentrer dans une pièce. Êtes-vous encore un chevalier? Avez-vous encore l'allure du chevalier? Vous allez dire oui. Mais battez-vous pas, vous allez risquer de grosses blessures, parce qu'une partie de l'armure est restée dehors, ça n'entrait pas. L'être humain, c'est exactement cela, c'est que pour pénétrer le corps physique que l'être humain a, donc que vous avez dû abandonner des choses. Et maintenant que vous êtes dans le corps physique, vous avez la perception de ce que vous êtes en fonction du corps physique. Donc, on a une perception limitée et fausse de ce que nous sommes. Alors, le chevalier dans la pièce se dit, oui, mais je peux pas aller me battre, parce que il manque ceci, il manque cela, il a fallu que je laisse mon épée. Mais après 2-3 000 ans, ou après 2-3 cent mille ans, ou après 2-3 millions d'années, j'ai laissé mon épée. Avais-je une épée? Bon. Le cheval est parti avec. Non, c'est qu'on ne sait même plus. Pourquoi? Parce que la mémoire oublie. Et la mémoire oubliant, on n'est même plus sûr qu'on était ce qu'on pense qu'on est. De ce fait, l'humain sait toujours ce qu'il est, mais l'humain privilégie la mémoire de ce qu'il est sur la réalité de ce qu'il est. Les corps physiques doivent évoluer. C'est pourquoi dans l'historicité planétaire, on parle du yoga, on parle du tantrisme, on parle des arts martiaux, on parle de certaines formes de thérapie évolutive. Tout ce que l'on parle, c'est améliorer le corps physique. Vous allez améliorer ce qui va dedans. C'est comme de grossir la pièce, et puis à un moment donné, on pourra rentrer l'homme, on pourra rentrer le plastron, on pourra rentrer l'épée, on pourra rentrer... Bon, plus on améliorera le corps physique, plus on va améliorer ce qu'il y a dedans. La problématique, c'est que le corps physique, tel qu'il est conçu actuellement, énergétiquement, ne peut pas recevoir ce qu'est l'homme, ce qu'est la femme, ce qu'est l'enfant. C'est beaucoup trop énergétique, ça va détruire le corps physique. Alors, pour recevoir en partie, il y aura la création de théologie. C'est-à-dire que la mémoire de la réalité sera implantée dans la conscience astrale de l'humain. Et là, l'homme, la femme pourra faire référence à une religion, à un monde de la mort, donc à un ciel, à un nirvana, à un paradis céleste. Et là, il aura l'impression que ce qui lui manque se trouve là. Mais c'est vrai et c'est faux. Ce qu'il y a là-dedans, c'est encore uniquement de la mémoire, ce n'est pas la réalité. L'évolution cosmique, parce qu'on ne peut pas parler d'extraterrestre sans parler d'évolution cosmique. On ne peut même pas parler d'homme ou de pédagogie ou de n'importe quoi, même de cure, de cure d'amaigrissement, sans parler d'évolution cosmique. Juste avant que tu embarques dans l'évolution cosmique, à ce niveau-là, de la façon dont tu parles, l'homme, l'enfant et la femme actuellement, on est des extraterrestres. Ben, ça veut dire qu'on est des extraterrestres, notre conscience. Le corps physique et l'ego n'en sont pas, mais ce qui va dedans, oui. Absolument. Et c'est ce qui va descendre chez l'homme et chez la femme et chez l'enfant. Les sauver, ça va être l'homme, la femme et l'enfant. Fait que les contacts... la partie extraterrestre. Fait que les contactés extraterrestres sont le corps et l'ego qui sont contactés par le reste de l'homme. Oui, oui. Mais quand on parle de contactés, on parle de personnages qui ont rencontré des mécaniques extraterrestres qui sont là uniquement pour les violer. Mais si on veut parler de l'être humain, il est de toute façon lui-même un contacté extraterrestre. Sa conscience n'est pas terrestre. C'est-à-dire que la conscience traditionnelle, elle est totalement planétaire. Donc, oui, ça se fait pas telle chose. Ça, c'est planétaire. Bon, les égrégores de couple, tu sais, toutes les couples s'engueulent de la même façon. Ça, c'est planétaire. Bon, mais la conscience neuve chez l'humain, on peut parler d'utopisation, on peut parler de néotypage, donc créer des nouvelles formes, ça, c'est extraterrestre. Chaque être humain a accès à ça régulièrement. Sauf que l'être humain ne croit pas. L'être humain vit du médiocre, c'est l'ego. L'ego filtre tous les contacts que l'humain a avec lui-même, donc avec ce qui n'est pas planétaire, ce qui n'est pas coloré, ce qui n'a pas souffert le contexte planétaire. Et l'ego, lui, qui a été bâti à partir de la souffrance planétaire, ne croit pas en ça. Donc, il a à un moment donné besoin d'espoir, l'ego, et il va croire quelqu'un d'autre, mais il ne croira pas lui-même. Il est un contacté extraterrestre. En réalité, l'homme n'est pas un contacté extraterrestre. L'homme, la femme et l'enfant sont des contacteurs terrestres. Et à l'intérieur des corps physiques, c'est de la mémoire. Et cette mémoire, elle a la capacité de soutenir le corps. Elle a aussi la capacité de manipuler le corps. Donc, elle le rend malade, elle le rend heureux, elle le rend malheureux, elle le rend dépressif, elle le rend énergisé. Mais on n'est pas dans la véracité de la vie humaine. Tout ce que l'humain connaît de sa vie, ce n'est pas sa vie. C'est uniquement de l'accumulation d'expériences dans un contexte extrêmement limité qu'on appelle la planète Terre. Quand on parle d'intervention extraterrestre, on parle en réalité de l'être humain qui, à un moment donné, aura suffisamment dans sa cellule, dans sa chair, la capacité de rester en vie sans faire de dépression nerveuse, sans avoir de problèmes neuroniques, lorsqu'il fera face à la réalité. Autrement dit, quand l'être humain va découvrir ce qu'il est, lui, il ne faut pas que le corps physique en meure. Tu crois qu'il est, lui? Oh, il est lui. Il est tout ce que les mécaniques astrales peuvent espérer ou peuvent penser. Comme quoi? Ben, comme quoi? Prends Superman, c'est ça. Prends le Nazaréen, c'est ça. Prends ce que tu voudras. Le maximum que tu pourras imaginer de perfection, c'est très limité. Sauf l'ego ne croit pas, l'ego ne sait pas. Mais je le dis souvent, vous avez juste à planter une graine dans terre, l'arroser, vous allez faire un arbre. Puis tout le monde dit, ben oui, mais c'est sûr. C'est pas sûr du tout. La science ne peut même pas expliquer comment une graine devient un arbre. On décrit qu'est-ce qui se passe, on n'en comprend absolument rien. Ça n'a aucun rapport. Et quand je dis souvent, vous prenez un bébé, vous le nourrissez, il devient un adulte. Si ça peut vieillir, ça peut rajeunir. Et là, on dit, ben non, ça ne peut pas rajeunir. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais vu. Bon. Est-ce qu'un adulte peut continuer à grandir puis devenir doubler de grandeur? Mais non. Voyons, non. Mais un bébé, ça le fait bien? Ah ouais, c'est sûr! Bon, il y a tellement de choses dans le genre, à un moment donné, qu'il faut qu'on se réveille. On est face à du miracle, 24 heures sur 24, ou on est face à de l'impossibilité 24 heures sur 24, mais cette impossibilité habituelle, on la reconnaît et on l'accepte avec un sourire, c'est évident, niaiseux. Et tout le reste des impossibilités, bref, la majorité de ce qui reste, de ce qui existe en termes de processus de miracle, sont aussi refusés. Parce qu'on ne mérite pas. Est-ce qu'on est des extraterrestres par rapport au temps ou par rapport au plan? Ou les deux. Oui, c'est ça, c'est les deux. Mais le corps physique est terrestre. C'est pourquoi je dis tout le temps qu'on doit être un terrestre extra. Quand on rencontre un extraterrestre, pour la simple raison que ceux qu'on va rencontrer, ça, ils n'ont rien à faire avec nous. Ils veulent piller notre génétique, ils veulent simplement nous ramasser. Ce sont des paresseux, ce sont des personnes qui ont lâché l'école avant nous, qui se sont dit, tiens, on va les laisser travailler les caves, puis quand ils auront un corps physique intéressant, on va aller chercher. Puis comme ils ont des égos qui ont besoin de Dieu, il y en a un qui est arrivé devant eux avec un diamant sur le front, puis on leur dit, je suis moi-même, puis là, ils se mettent à genoux tout de suite. Là, j'ai besoin de deux cellules. Ah, prenez toutes. Ah, pas de problème, on prend toutes sorties. On part avec ça. On est extraterrestre, tu disais, par rapport au plan et par rapport au temps aussi. Si on est extraterrestre par rapport au temps, on est habité par des mémoires de ce que l'homme, la femme ou l'enfant est. Est-ce que c'est des mémoires du futur? Non, ce sont des mémoires du passé, des mémoires du présent. Et il y a quelques personnes qui sont et qui commencent à être habitées par des mémoires de l'avenir. Donc, ils commencent à réincarner des personnalités réincarnationnelles du futur. Et il faut comprendre que le temps, c'est quelque chose d'instantané. Donc, le passé, le futur et le présent, c'est tout en même temps à la même place. On réincarne des mémoires de l'avenir, simplement. C'est évident. Tantôt, tu parlais des races avec les Éloïens qui sont là pour... tripoter la génétique pour faire en sorte de faire muter le corps physique. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des extraterrestres, entre guillemets, j'appelle ça parce que j'appelle pas ça un extraterrestre, pour moi, s'il vient du temps, il vient de la planète, un terrien, mais qui vient du futur. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des formes d'intelligence qui viennent de là pour faire muter le corps physique, pour préparer les races? Là, on est à la 5e, la 6e, la 7e. Bon, tu parles de ce qu'on appelle les Melchisedec, entre autres, qui sont des catalyseurs de l'évolution. Ils sont extraterrestres, il y en a eu, surtout dans le passé, il y en a plusieurs présentement qui vont se mettre en opération. En termes chronologiques, les livres d'histoire disent que... Bon, il y a des années, évidemment, qui sont relatées par les historiens, sauf que les historiens ont toujours fait des erreurs. On sait très bien aujourd'hui que les historiens, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Alors, certains historiens parlent de l'an 2023, parlent de l'an 1996 et 97 comme début des conflits armés, parlent de 1992 comme premier réel contact entre des mécaniques supramentales extraterrestres et des êtres transportables. Et il y a des années comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans ces années-là? Bon, il y a encore des hommes qui vont battre leurs femmes. Il faudra pas changement. Y a-t-il des femmes, plus de femmes qui vont battre les hommes? Ça commence. Mais qu'est-ce qui va se passer à part de... des batailles conjugales? Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ou qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire? Est-ce qu'on va être au courant ou est-ce qu'on va se rendre compte que de plus en plus de ces présences-là? Bon, c'est oui et non. C'est-à-dire que il y a des êtres humains qui vont commencer dans les années à venir à avoir des contacts directs avec certaines mécaniques extraterrestres, en ce sens qu'il y a des êtres humains qui vont se rencontrer eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, toi, tu sors de chez toi et puis tu vas dans ton jardin, et puis là, il y a un personnage qui est dans ton jardin, qui est assis, qui t'attend. C'est toi. Alors, tu t'approches, tu vas voir le personnage, qui est toi-même, et puis vous allez jaser. La question que tu devrais poser, est-ce que les extraterrestres qui sont plus ou moins inutiles sont capables de prendre ta forme? Oui. Comme ça, tu poses des questions, les réponses sont... Je vais garder ton cachet. Ils sont capables de prendre ma forme, mais est-ce qu'ils sont capables de la prendre physiquement puis densément? Est-ce qu'il y a une densité là-dedans? Oh, absolument. Ils peuvent te donner un coup de poing sur un œil. Ah oui? Puis ça serait des extraterrestres nuisibles ou en tout cas nuisibles, pas? Nuisibles, sauf que ce qui va arriver, c'est que dans pas tellement de temps, il y a des personnages qui vont se rencontrer eux-mêmes et ça ne sera pas des extraterrestres nuisibles. Eux-mêmes seront capables de le savoir. Mais la question fondamentale, c'est comment faire pour reconnaître? Bien, vous allez le savoir quand ça va être le temps. Autrement dit, ouais, si vous vous faites avoir, vous allez vous faire avoir, puis vous allez le savoir après. C'est ça. Puis si vous ne vous faites pas avoir, ben vous ne vous ferez pas avoir, puis vous allez le savoir après aussi. Ou tu ne le sauras pas. Mais comment tu rencontres un corps physique solide qui est une copie conforme du tien, c'est ce que tu me dis, non? Faut que je me fasse un jardin si je veux que ça m'arrive. À ce moment-là, les deux corps physiques se parlent, puis il y en a un qui instruit l'autre. Puis celui qu'on habite actuellement va faire confiance ou ne pas faire confiance à celui qu'il rencontre. C'est pas tout à fait comme tu le décris. C'est comment, si c'est pas comme ça? Il y a deux corps physiques qui se rencontrent, et puis ils se rencontrent 2-3 secondes, et puis c'est fini là. Tout est fini. Tout est fait. Est-ce que le corps physique qu'on occupe actuellement est bouffé par l'autre? La clé qu'il faut à l'humain, ce n'est pas de l'instruction, ce n'est pas de l'information, donc il ne l'informe pas. Tout ce que vous avez besoin, c'est simplement une confirmation. C'est ça que l'humain a besoin. Tout ce que l'humain a besoin, c'est une preuve astrale pour que son ego libère les mécaniques qui sont barrées chez lui, et donc pour que l'ego autorise l'humain à être ce qu'il est. C'est juste ça qu'on a besoin. Si à un moment donné, vous avez le Nazaréen, prenons l'exemple du Nazaréen, qui arrive sur une planche à roulettes volantes, vient atterrir devant votre maison, rentre chez vous en passant à travers le mur carrément, il a la forme exacte de ce que vous voulez que soit le Nazaréen. Hein? Il ne peut pas arriver comme il était. Il faut qu'il arrive comme tu veux qu'il soit. Sinon, tu ne le reconnaîtras pas. Qu'un chandail vu ornais, ça doit... Ah, et comme tu as besoin qu'il soit. Et là, il vous dit, « Toi, maintenant, je te touche le front. À partir de demain, tu peux guérir. » Puis il s'en va. « À partir de demain, tu peux guérir. » Et c'est le Nazaréen qui m'a donné. Non! Il t'a juste dit que tu pouvais. Parce que ton ego fait confiance à ce qu'il dit, ben maintenant tu peux. Mais t'as toujours pu. L'extraterrestre, dans les années qui vont venir, certains humains, ce que j'appelle souvent les transportables, certains humains, ceux qui sont conscientisés, les conscientisables aussi, ceux qui sont en phase de conscientisation, donc ceux qui sont capables d'accepter du neuf, pour bon, bien compliqué, là. N'importe où sur la planète, c'est pas nécessaire de venir à mes conférences, il faut être capable d'accepter du neuf, mais être vraiment capable d'accepter du neuf. Quand tu te lèves un matin, puis t'es déjà dans ton salon en train de boire ton thé, faut que tu sois bien capable d'accepter du neuf. Parce qu'il y en a un des deux qui tiendra pas le coup. L'humain va simplement se faire dire tout ce que tu sais. C'est ça. Mais ça va avoir une puissance telle que c'est vrai que ça va être ça. Alors que présentement, comme dans le séminaire que je donne, de temps en temps, les personnes, ce qu'ils posent comme question, c'est uniquement des « dis-moi si c'est ça ». Puis si je leur demande « qu'est-ce que tu en penses ?» Je suis sûr que c'est ça. Je leur réponds « ben, si tu es sûr que c'est ça, c'est ça ?» Puis ils me disent « je savais ». C'est ça. Puis tu payes pour ça. Spécial, hein? Si tu veux, c'est leur karma. Hein? La rencontre physique dont tu parles, est-ce que ça pourrait être, par exemple, dans un miroir ou ça doit être. Non, c'est pas non. De l'occulte, c'est pas de la spiritualité ou de la. Non, je parle pas de spiritualité. Imaginons un miroir, franchement. On va tous payer le luxe à aller trois miroirs, trois extraterrestres. Ben, si on ne sommes pas, si on n'a pas de jardin, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est fini. La rencontre extraterrestre dont tu parles comme ça, ça peut, moi, il me semble que ça peut être fait sous une autre forme qu'un corps physique. Une confirmation peut-être. Dans quel centre d'achat fais-tu ton épicerie? J'en fais pas d'épicerie. Bon. Regarde-moi grosseur. J'allais dire, peut-être un extraterrestre se rencontre à Istanbul. Là, tu m'aurais dit, oui, mais moi, je ne suis pas à Istanbul. Non, mais est-ce qu'il y a absolument besoin d'une rencontre physique? C'est ça le sens de ma question. Oui, il y aura une rencontre physique. Tu ne peux pas avoir une confirmation autre que physique. L'humain n'est pas capable. Dans les temps à venir, l'humain sera capable. Présentement, l'humain n'est pas capable d'avoir une confirmation qui n'est pas physique. À un moment donné, ça, vous savez clairement ce qu'il y en est, puis vous le refusez. Alors, s'il n'y a pas un miracle matériel qui se passe devant votre face, comment veux-tu être sûr? Il y en a des choses que tu sais, toi, là, que tu sais absolument pour rien. T'attends à quoi? T'attends qu'une lance va te tourner, t'attends qu'il se passe quelque chose pour pouvoir te dire, ah tiens, ce que je savais depuis 15 ans, c'était ça. T'attends à quoi? Donc, nécessairement, pour la majorité des premiers humains qui auront des contacts réels avec eux-mêmes, ils se rencontreront. L'être humain, et on parle de contact extraterrestre. Maintenant, la nuance qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de contact extraterrestre qui va vous rencontrer pour vous donner une mission. Toutes les contactés extraterrestres de l'Antiquité, ça veut dire à partir de une seconde en reculant dans le passé, tous ces extraterrestres, les contactés extraterrestres ont eu des missions. On leur a donné une mission. Puis nous-mêmes, on ne se donnerait pas une mission. Non. Si un extraterrestre vous rencontre, vous tripote, c'était pas un bon. Il vous rencontre, il vous invite à bord de son vaisseau, il vous fait faire un tour comme ça, tour du propriétaire, puis il vous ramène. Profitez-en, mais faites pas confiance. S'il vous donne une mission, il vous dit, voilà, toi, jolie fille, ou toi, joli garçon, tu es l'élu par excellence, et patati patata, maudit que c'est plaisant. Ah, que c'est plaisant, puis vous êtes fini, si vous acceptez. Qu'est-ce qui arrive si tu refuses? Je mange un beau coupion derrière. Ouais. Mais c'est pas mal que ça. On te menace, on te fait peur, là on parle... Parce que tantôt, dans le pamphlet, il y avait une... on fait allusion à l'hypnose, que les extraterrestres vont te faire oublier une rencontre. Est-ce que ça pourrait être ça? Si tu refuses, ils te font oublier. Il y a une personne assise ici. Qui un jour a rencontré un extraterrestre dans sa tête et elle a eu un contrat et puis elle a refusé le contrat. Elle est dans la merde par-dessus la tête depuis ce temps-là. C'était une mécanique extraterrestre. L'individu a à un moment donné fait un pacte, c'est-à-dire qu'il a, pas un pacte, mais il a défié. Et il y a eu une intervention extraterrestre dans sa tête. Pas toujours en mots. C'est ça qu'on doit bien comprendre. C'est qu'à un moment donné, c'est... Il me semble que... C'est ça. C'est de la télépathie. C'est pas « Bonjour, Daniel, comment ça va? » Il est 5h15, je dois te parler, j'ai 5 minutes seulement, ma femme m'attend. C'est pas comme ça que ça serait. Mes antennes sont pas fortes. Et la personne, depuis ce temps-là, elle est... Pourquoi? Parce que l'extraterrestre qui l'a rencontré supportait une partie de son karma depuis 1980 quelques années. Non, depuis 1960 et quelques années. Et... Pourquoi? Il a tout abandonné parce que l'autre n'a pas voulu. Pourquoi l'extraterrestre supporte le karma d'un terrestre? Pour pouvoir le sauver. De quoi? De rien. Bon, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça. L'humain veut être sauvé! L'humain, qu'est-ce que l'humain recherche? L'humain, il recherche avoir la paix, il recherche le bonheur, il recherche, certains recherchent la connaissance, d'autres recherchent le savoir. On recherche la fuite de tous les problèmes. Alors que sur le plan planétaire, il y aura nécessairement manque de connaissance, manque de savoir, problème par-dessus la tête, non les barbites, jamais de bonheur, pas de paix. Pas compliqué. Et l'humain qui dit, ben voyons, non, ça n'a pas d'allure. Parfait, mais regardez l'histoire du monde, puis dites-moi où ça a eu de l'allure à un moment donné. Et là, on va dire, il y a quand même eu des moments donnés où il y a eu la paix sur la planète. C'est vrai, il y avait les viols, les meurtres, l'homme qui battait sa femme, la femme qui battait le bonhomme, les enfants qu'on massacrait. C'était la paix. C'était la paix au niveau de la nation. Comme présentement, c'est la paix à Montréal. Mais il y a des meurtres régulièrement, mais on ne parle pas des enfants battus, des accidents, des jeunes qui se battent entre eux, des adultes qui se battent entre eux, des engueulades, des stress, des culpabilités, de l'alcoolisme, de la drogue. C'est la paix, quoi. Bon. Il n'y a pas de paix possible dans le contexte planétaire actuel parce que l'être humain est trop habité par le virus qu'on appelle l'âme, parce que l'être humain a trop besoin du passé pour acquérir le neuf. Donc, l'être humain se fie trop à la tradition. Parce que l'être humain a trop besoin d'un sauveur, il accepte n'importe qui. Les Incas étaient en paix parce que le dieu blanc qui venait qui montait une monture inconnue était attendu. Mais quand le grand cave espagnol s'est pointé là sur son cheval, ben, on lui a tout donné. Tant que l'humain attend, et on a des traditions, des prophéties qui sont manipulées, des prophètes manipulés pour engendrer des prophéties dans l'avenir, uniquement pour incruster dans la conscience de plusieurs personnes des mécaniques qui pourront servir l'intervention extraterrestre à un moment donné. C'est comme moi, je m'en vais, j'envoie n'importe qui ici, quelque part en Amazonie, et je leur dis un jour, un bonhomme aux yeux bleus va venir, et il va tout vous terrasser si vous ne l'écoutez pas. Et il lance 3-4 grenades d'entrée-vue, puis il se pousse. Bon, ben c'est simple. 10 ans après, moi, quand je me pointe là, ils sont tous à genoux depuis longtemps. Et là, on pourra dire, ben, le prophète avait raison. C'était pas un prophète. C'était un agent. Un agent double. Oui, c'était un agent. Et ça, c'est fréquent. Quand tu parles de transportable, c'est pas le même phénomène. Ça veut dire pas trop pesant. Mais transportable, premièrement, j'espère que c'est pas par les cheveux qu'ils vont nous prendre, parce que sinon, on n'est pas capable de se transporter. Mais transportable, c'est transportable au niveau de la conscience, théoriquement. Non. Transportable non. Au niveau du corps physique aussi. Bon. Transportable physiquement, ça aussi, c'est pas de manipulation. Ben oui, c'est de la manipulation. Parce que ce que tu fais là, c'est une prophétie aussi. Tu dis un jour, on va te transporter. C'est de la manipulation. Bon. De la manipulation par l'intelligence, tu vas me dire, là, si je pose la question. C'est ça. Pose la question. C'est aux gens de décider. Tu demandes pas un menteur s'il dit la vérité. Non, c'est vrai. Bon, et si le gars il dit toujours la vérité, ça sert à rien de lui demander non plus, tu sais pas s'il dit la vérité. Mais tu disais tantôt qu'on va savoir quand ça va venir le temps de officiel. Si c'est le bon chemin ou pas le bon chemin. On va se faire manipuler encore, mais manipuler par l'intelligence. Par nous-mêmes, mais qui on va se faire manipuler? Tu parles uniquement de l'ego? Ben oui. Notre corps physique est totalement manipulé. Notre conscience astrale est totalement manipulée aussi. Si le feu prend dans la pièce, on sort par la porte, oh, on est manipulé. Ben oui, on est manipulé. Ben c'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui sort par le mur, puis qui meurt à côté sur le mur, il est manipulé aussi. Sauf que le manipulateur était pas... expérimenté. T'es pas encore habitué à la densité de la matière. Dans les contacts extraterrestres, à un moment donné, on va être transportable, théoriquement. Qu'est-ce qui va faire en sorte que certains vont être transportables et d'autres ne seront pas transportables? Leur capacité d'accepter le neuf. Donc, on parle de leur conscience. C'est-à-dire que plus l'être humain abandonne actuellement la Terre, la planète Terre, plus l'être humain est transportable. Qu'est-ce que c'est qu'abandonner la planète Terre? Abandonner la planète Terre, cela veut dire se désassujettir du karma planétaire. Se désassujettir du karma planétaire, ça veut dire abolir la tradition chez toi, chez soi. Abolir tous les commandements des dieux chez soi. Abolir tous les commandements humains chez soi. Abolir la loi chez soi. Ça veut dire abolir sa mémoire, abolir sa famille. Ça veut dire être, devenir transportable. On n'a pas besoin de commandements de Dieu pour vivre lorsque nous sommes intelligents. On n'a pas besoin de commandements humains pour vivre lorsque nous sommes intelligents. On n'a pas besoin de lois humaines, on n'a pas besoin de traditions, on n'a pas besoin de livres sacrés, on n'a pas besoin de famille, on n'a pas besoin de rien de ça. Les commandements de Dieu, ça s'adresse uniquement à ceux qui ne sont pas intelligents. Les commandements humains s'adressent à ceux qui ne sont pas intelligents. Les lois humaines s'adressent à ceux qui ne sont pas intelligents. La tradition, la famille, etc. s'adressent à ceux qui ne sont pas intelligents. Est-ce que c'est inintelligent d'avoir une famille? Ce n'est pas inintelligent d'avoir une famille, c'est inintelligent d'être associé à la famille. De vivre pour ben, ou par, c'est ça. Mais oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande peut-être un peu d'explication. Peut-être. On prend le commandement de Dieu, tu ne voleras point. Bon, parlons pas de l'Église qui ne fait que ça, mais disons, tu ne voleras point. Bon. C'est parce que tout le monde ne peut pas voler en même temps, ça fait que... Mais si on est écologiste, on n'a pas besoin d'un commandement, c'est évident qu'on vole pas. Puis si on est cosmo-écologique, On peut même pas voler, ça appartient à personne. Prends-le, prends-le pas, tout le monde s'en fout. On va dire, tu ne tueras point. C'est stupide de tuer l'être humain, ou même de tuer des animaux. C'est même stupide de tuer des plantes, même pour les manger. Mais si j'ai besoin de manger, ben c'est pas de ma faute, mon corps physique a besoin de s'alimenter, alors je tue une plante et je la mange. Mais j'ai pas besoin d'un commandement de Dieu pour me dire, tu ne tueras pas ton prochain. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bâti pour tuer. Donc, j'ai pas besoin d'un commandement. C'est pas un commandement qui m'empêche, c'est pas une culpabilité qui m'empêche de le faire. Autrement dit, l'être humain qui a besoin des commandements de Dieu, c'est un être humain dangereux. Il n'est pas transportable. La journée que Dieu descend et dit, tu peux tuer ceux qui sont de telle race. Ben, ils vont tout se mettre à tuer tout le monde. Pourquoi? Parce que l'intelligence ne gère pas leur vie. C'est la mémoire traditionnelle et la crainte, donc le respect par inhibition de Dieu. Si on dit, à un moment donné, par la loi dit, vous pouvez virer à droite sur les feux rouges. Vous pouvez même virer à gauche, même passer du droit. Ben, ceux qui ne sont pas intelligents, ils vivent. C'est dangereux. Ceux qui sont intelligents, ben, même si la loi permet ça, ils ne feront pas plus. Donc, c'était pas la loi qui les empêchait de le faire avant. C'était eux qui ne le faisaient pas avant. Ils n'ont pas besoin de loi. Ces gens-là, ce sont les êtres humains capables de former une société neuve, donc de former un Éden, de former un paradis, de former une utopie. Parce qu'ils n'ont pas besoin de loi pour les régir, parce qu'ils sont eux-mêmes la loi. C'est des transportables. Ils vont te transporter où? On y reviendra. La famille. Pourquoi la famille? Tant que l'être humain est limité par ce qu'il appelle le lien sanguin, alors que le lien sanguin n'a rien à faire avec, si vous saviez la quantité d'êtres humains autour de vous que vous détestez parce qu'ils ne sont pas de votre famille, mais qui ont votre sang, j'espère à travers les méandres de la génétique et de la généalogie, tout être humain avec qui on vibre fait partie de la même famille. Alors, tu n'as pas mon enfant puis ton enfant. Quelqu'un qui pense comme ça n'est pas un être transportable. C'est un être qui va faire des guerres à un moment donné, qui va protéger sa famille au détriment des autres, qui va protéger son peuple au détriment des autres. C'est un raciste de base. On dit, oui, mais moi, je suis chrétien. Mais tu sais, les Juifs, c'est du bon monde quand même. T'es un raciste. On n'a rien à faire avec tout paradis. C'est du bon monde quand même, tu sais, malgré tous les défauts. C'est quoi le défaut? C'est pas comme moi. Moi, je suis parfait. Ça, c'est pas transportable. Oui, mais tu sais, lui, je l'aime pas, mais il fait partie de la famille, il faut quand même l'aider. T'as pas à l'aider si t'as pas à l'aider. C'est pas compliqué, c'est simple. Alors, l'humain qui n'est pas capable de se désassujettir du contexte planétaire n'est donc pas un être humain transportable. Je reviens à ma question. Dans l'éventualité où il est transportable, il est transporté où? Sur la Terre. Par autobus? Par métro? Trop de violence dans le métro. Il est transporté sur la Terre. Sur la Terre, dans un autre temps? Qu'est-ce que ça donne de transporter sur la Terre? On a tout ce bien de juste savoir c'est où, on va s'y rendre seul. T'es déjà rendu. Sauf que tu n'y es pas du tout. Transportable? De quelle façon, si on est transportable? Sur la Terre, mais pas nécessairement dans le même continuum que vivent les animaux humains. Dans un autre temps? Non, dans un autre monde. Mais sur la même planète? Oui, comment tu peux être dans un autre monde sur une même planète? Tu es souvent dans un autre monde, toi, sur la même planète. Oui, c'est moi, je suis pas mal tout le temps dans un autre monde. C'est un défaut de fabrication, ça. Sur un autre monde, dans notre conscience, le corps physique, il va rester à la même place, à la même adresse? Ou s'il va être transporté, lui aussi? même adresse. Bon, à un moment donné, il va améliorer son sort. Puis il peut changer d'adresse. Mais effectivement, c'est sur le contexte planétaire. L'humain s'en va sur une autre planète. L'humain ne s'en va pas sur une autre planète. Il n'y a pas d'autre planète pour recevoir l'homme. N'est pas? Mais qu'est-ce que ça nous donne d'être transporté? Ça nous donne à rien. Ça nous donne rien. Qu'est-ce que ça nous enlève d'abord? Plein de choses. L'être humain, prochainement, va faire un choix. Ça veut dire qu'il y a des humains qui vont faire un choix. Et ça, c'est un Christi problème. À un moment donné, ça va brasser le camarade. Ça va se passer en Russie. Ça va brasser un petit peu. L'être humain, c'est extrêmement facile. Je dirais que c'est facile, c'est facile, c'est facile. Sauf que personne n'est capable de le faire. Trop facile. L'être humain doit faire un choix. C'est ce que j'appelle le choix de l'homme nouveau. Et dernièrement, je disais à une personne, ben imagine que une soucoupe volante qui arrive dans ton jardin. Le jardin. Et la soucoupe volante te dit, voilà, si tu veux faire un tour, aller sur une planète où il n'y aura jamais de guerre, etc. Là, bon, tu as toutes les preuves que c'est ça, là, c'est parfait, parfait, parfait, parfait, parfait. Bon. Tu as 2 mois pour te décider, dans 2 mois, on s'en va. Et c'est tout. On ferme la porte pour notre temps. T'as qu'à venir cogner quand t'es prêt à partir. T'as le droit à une valise. On va dire 2. Les Russes, ils donnaient, les Allemands donnaient qu'une, on va dire 2. Tu dois pas que ça donne des... T'as le droit à 2 valises. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que les humains ne feront pas le choix. Les humains, plus l'humain est évolué, plus vite il va vouloir embarquer. Bon, à la condition que tu amènes grand-maman, grand-père, sa famille, c'est ton nom, son parrain, son chum, son chat, son sein. Bon. Mais là, ce qui va arriver, c'est que l'être humain, le problème qu'il a, c'est que là, c'est le temps. C'est le temps. Oui, mais mon chum, peut-être que c'est à toi que j'ai posé la question. Toi, tu peux venir dans 2 mois, tu peux venir, ça finit là, c'est ça. T'as qu'à dire oui ou à dire non, puis on s'en va. C'est facile. Et là, ce qui arrive, c'est que 2 mois moins un jour, personne n'est décidé. Ils sont toujours restés en avant, puis ils sont tiraillés en dedans, puis maudits que ça déchire d'un bord puis de l'autre, puis ça se pompe. Il y en a un qui est sûr qu'il manque de quoi s'il part, puis il y en a un qui est sûr qu'il manque de quoi s'il part pas. Dans le même personnage. Et là, ce qui arrive, ce qui va arriver en tout cas, c'est que 2 mois exacts après, ben, décidez-vous plus, est parti. Donc, l'humain qui est transportable doit faire un choix. Et on est sur une plaque pivotante dans les années 90 où l'astral, donc le passé, la tradition, les mécaniques d'évolution font tourner le monde dans un sens. L'intelligence supramentale, l'esprit saint, ce qui amène le neuf, l'énergie christique, freine la plaque tournante. Et entre 1990 et 1995-96, la plaque tournante va finir par s'immobiliser. Ce qui va donner à l'être humain suffisamment conscientisé le peu de temps nécessaire pour qu'il ait un libre-arbitre suffisamment total pour maintenant changer totalement les conditions de sa vie évolutive. Par la suite, l'énergie supramentale qui freinait va commencer à relancer le monde dans l'autre sens. Relançant le monde dans l'autre sens, l'énergie cinétique va recoller l'humain dans sa vie et l'humain va perdre graduellement cette capacité de libre-arbitre. Cependant, ce changement, cette bifurcation, cet arrêt de la plaque, que les hommes et les femmes et les enfants devront faire le choix de l'homme nouveau. Et nous sommes dans les années 90, dans ce temps. Ça veut dire que la soucoupe volante est dans ma cour, là, depuis 1990. Exact. Elle est dans la cour d'un paquet d'individus. Mais on ne parle pas de soucoupe volante, on fait un parallèle, évidemment. C'est le temps à l'être humain de se décider. Mais se décider, c'est pas de dire, ben moi, je fais le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle. Torieux. Ben, c'est pas fait, tu es encore chiolé. Quand on parle de faire le choix, ça ne veut pas dire on le dit à un moment donné après une conférence ou quand on a dialogué avec quelqu'un puis qu'on est survolté, énergisé, pour deux jours après, puis savoir encore. On a ce temps, le deux mois et quelques années. Tu sais, c'est quelques années. Sauf que ce quelques années doit servir. Et on dit, ah ben j'ai le temps. Pour la majorité des humains, ce quelques années, c'est réellement pas beaucoup de temps. Il y a plusieurs personnes ici qui savent énormément de choses et qui n'appliquent absolument rien. Ils font de la philosophie avec ces choses. Ils en discutent pour rien. Bon. Il faut que l'être humain, et on doit se foutre de savoir quelle est notre situation financière, quelle est notre santé physique, quel est ceci, quel est cela. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est où vous êtes-vous branché. Là ou là. Dans le passé ou dans le neuf. L'être humain doit faire un choix. Le choix n'est pas un choix philosophique, c'est un choix de vie. Ça veut dire qu'à l'instant où le choix est fait, tu commences à réincarner des mémoires de l'avenir, donc tu commences déjà à te transporter. Tu dois utopiser. Lorsque l'être humain a fait ce choix, il est un contact extraterrestre, comme je le suis, sauf que c'est un contact entre sa partie extraterrestre, qui est lui-même, et lui. Le corps, la mémoire, ce qui préserve l'involution et l'évolution dans la matière. L'humain, l'homme, la femme, l'enfant, doit faire ce maudit choix. Et ils ne le font pas, et c'est un problème. Si on parle d'apocalypse, c'est uniquement parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'humains qui auront fait le choix. Quand on parle de 144 000 et d'épinotes d'élus, ce sont les humains qui font le choix. Ces humains restent sur la Terre, mais la Terre va s'échapper sous le pied. La Terre ne changera pas, mais la Terre va changer. Il y aura des guerres, mais pas sur leur Terre. Les 144 000 et quelques, il faut qu'ils soient, comme tu disais tantôt, qu'ils sachent que c'est la bonne direction. Ils n'ont pas besoin de savoir que c'est la bonne direction parce qu'ils le savent. C'est inhérent chez eux, c'est déjà là. Bon, c'est ça. Ben, ce que tu dis, par contre, c'est qu'il y en a qui le savent puis qui le font pas, mais c'est parce qu'il faut pas qu'ils le fassent. Non. C'est parce que présentement, toute la mécanique astrale qui ne prévoit pas l'intelligence fait tout pour les empêcher de bouger. Vous savez que si, à un moment donné, vous décidez de devenir heureux, on va dire heureux, c'est bien mieux qu'heureux. On va dire heureux, mais toute votre vie va devoir changer. Vous ne pourrez plus chialer, alors que pour plusieurs, ça les nourrit. Vous ne pourrez plus vous inquiéter, alors que pour plusieurs, c'est la preuve d'amour. Je me suis inquiété de ma femme, donc elle sait que je l'aime. Mais là, elle rentre après deux mois de disparition comme ça, je ne me suis pas inquiété. Elle va s'inquiéter. Le monde va changer. Tu arrives en retard à ton travail, ça ne te dérange pas. Tu ne t'en fous pas, ça ne te dérange pas. Mais le patron peut pas comprendre, t'as l'air d'un sans-cœur. Mais non, tu es simplement heureux. Bon, c'est pas compliqué, tu freines avec ton automobile, tu rentres dans un lampadaire, il tombe à terre, l'automobile il scrape, tu sors de là avec un grand sourire. Hey, t'as encore la vie, t'es au bout. À l'hôpital psychiatrique. L'humain qui va faire le choix. Quand je parle le choix de l'homme nouveau, on se fout d'extraterrestre ou pas. L'être humain qui fait un choix qui va changer totalement sa vie. Il ne sera pas sur la même planète que les animaux humains. Mais tu dis tout le temps qu'on n'a pas de libre arbitre. Mais non, je dis tout le temps qu'on n'a pas de libre arbitre et je dis maintenant que l'humain va en avoir un dans pas grand temps, pas longtemps. Est-ce que tout le monde va en avoir un dans pas grand temps, pas longtemps? Non! Les 144 000 ou... Seuls ceux qui vont en avoir un. Non, c'est ça. Mais où je reviens tout le temps avec la même affaire, c'est que comme on est de toute façon manipulé, puis qu'on n'a pas de l'arbitre normalement, sauf pendant la pause de l'astral que tu dis qui va se passer pendant les quelques années qui s'en viennent, il y en a quand même un paquet, j'imagine, qui ne sont pas capables de le faire le choix, même s'ils veulent. Si l'ego veut, ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire pareil. L'humain va vivre une souffrance intéressante trop intéressant pour quelqu'un qui souffre pas. Disons, l'humain va vivre une souffrance traumatisante, écœurante, souffrante, mais salvatrice. Se faire arracher une dent, c'est extrêmement bon pour la santé. Mais, l'égout peut pas. C'est la seule place que l'égout peut pas serrer les dents. Il va chez le dentiste. Mais c'est ça même pas ça. Cette souffrance, elle est comme quand on prend une rose, hein? J'ai déjà dit, tu peux la prendre lentement, lentement, lentement pendant 2-3 ans, puis souffrir pendant 2-3 ans, souffrir toute ta vie. Tu peux aussi la prendre, l'arracher, puis l'acheter. Tu souffres pas longtemps. Puis tu souffres même pas plus. Mais l'ego a plus peur. Des mécaniques qui vont inhiber la souffrance, ça fait trop mal, il n'y a pas de problème. La souffrance, elle est lancinante et pénible, aspirine ne sert à rien. Elle est lancinante et pénible pendant un grand bout de temps uniquement parce que l'humain se martyrise. Parce qu'il ne fait pas le choix. L'humain a besoin de mériter son ciel. Et c'est une fausseté de l'Antiquité. La femme ne doit pas enfanter dans la douleur. Puis, et patati patata. L'homme non plus de ne pas faire ceci ou cela. De ne pas enfanter dans la douleur, non, non plus. Mais lui, c'est pas douloureux. La femme, c'est quoi ce que c'est? Un homme qui enfante, là, c'est bien pire. La femme, ben, c'est pas ça, elle se plaît pour rien, je t'assure. Un homme qui enfante, là, pas un cadeau. Mais l'être humain, ce qu'il fait, c'est qu'il sait. Après ça, il ne sait plus. Mais il sait qu'il sait. Mais il ne veut pas le savoir. Puis il sait quand même. Puis il sait qu'il sait. Puis il ne sait pas. Puis il sait. Puis il commence à mijoter ça. Et il commence à faire de la synthétisation mentale. Il commence à méditer, à mentaliser. Puis, tu sais, mon choix, il est fait. C'est évident qu'il est fait, mon choix. Mais il n'est pas fait! Mais en réalité, il est fait! Mais il l'applique pas. Puis là, l'humain, il niaise comme ça. C'est là qu'il y a la souffrance, il y a du feu. Qu'est-ce qui va se passer après la période d'arrêt de rotation de l'astral? Quand ça va partir dans l'autre sens, ça va être pire ou c'est... Je regarde juste une petite chose, un parallèle. Il y a plusieurs personnes qui vont vivre, qui vivent cela. C'est qu'il y a un feu, à un moment donné, c'est le feu de l'ego. Le feu de l'ego, ça fait une grande flamme à l'intérieur. Surtout au niveau du centre coronal, du centre cardiaque, mais ça se promène un peu ailleurs aussi. Il y a comme une souffrance qui n'est pas une souffrance, mais il y a un problème. Le feu commence à diminuer, à diminuer, à diminuer, puis là, l'ego se dit « Ah, ben, moi, l'éteinte. » Qui prend de l'essence, il faut se tuer, tiens, mon maudit. Le feu reprend au complet. Puis là, ben, à un moment donné, là, c'est bon, puis à un moment donné, le feu commence à descendre encore, puis il rajoute de l'alcool dessus, puis bon, c'est sans arrêt. Laissez-le donc s'étouffer. Je le dis souvent à des personnes dans le séminaire, à un moment donné, c'est simple, c'est que cessez vous mettez trop d'intérêt et d'importance sur des problèmes qui ne sont même pas vous autres. Oui, mais c'est là quand même, je sais que c'est là quand même, mais foutez-vous-en donc comme je m'en fous que ce soit là quand même chez vous, moi. Donc, quand je parle à l'être humain, je parle avec ce qui est intelligent chez lui, le reste, je veux rien savoir. L'humain doit faire la même chose. Comme je le dis de temps en temps, vous allez rencontrer quelqu'un d'important, vous avez les mains toutes moites. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on a les mains moites? Oui, mais je suis tout nerveux, qu'est-ce qu'on n'a rien à foutre avec? Va donc le rencontrer, puis ça va se donner la main. Oui, mais vas-tu te rendre compte que j'ai la main toute moite? Puis ça lui suivra la main. Qu'est-ce que ça te regarde? Et là, t'es tout petit, pas capable, t'as rien à foutre avec ça. Oui, mais n'empêche que je suis manipulé, on n'en a rien à faire. Prends ton corps et vas-y. Tout le reste, on s'en balance. Et ça, n'importe quel humain devient un surhomme, une surfemme, un surenfant, si le mental, l'intelligence finit par prendre de dessus, puis ça essaie continuellement de s'amuser avec ce qui ne nous regarde pas. Oui, mais là, subitement, là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ben, tiens-toi, pas capable. Ben vas-y, maudit, c'est bien simple. Bon, tu y vas, puis là, tu reviens. Non, mais là, les nuits, tort, puis nous, faut qu'on abandonne ces choses-là un petit peu. On n'est pas cela. Il y en a qui ne le sont parce qu'ils n'ont pas la conscience pour se dissocier de ce qu'ils ne sont pas. Alors, ils s'associent à leur mémoire, à ces choses-là. L'humain ne souffre pas, vous ne souffrez pas. Mais vous entretenez la souffrance de l'ego. C'est simple. Oh, mais là, je m'inquiète. Tu t'inquiètes pas. Il y a de l'inquiétude. Écoute la télévision, pas capable. Écoute-la quand même. Toi, écoute-la. Joue aux échecs. Cumule pas les échecs, joue. L'humain doit se dissocier. Et c'est évident, quand l'humain est omnibulé par ce qu'il a comme conscience astrale, par ses problèmes, c'est pas ses problèmes, mais le problème de l'ego, c'est pas grave. La journée que vous vous faites avoir complètement, c'est pas grave. Mais le lendemain, vous vous dites, crime, me sens qu'on fait avoir hier. C'est là que c'est grave. Aujourd'hui, t'es libre, t'es en train de encore de mijoter sur hier. Je me suis fait avoir hier, je pensais que j'étais plus fort que... Oh, oh, oh, oh! Aujourd'hui, t'es comment? Aujourd'hui, je suis correct, mais hier, non! Vivez simplement ce que vous êtes. C'est bien très, c'est extrêmement simple. C'est sûr qu'après une conférence, on est énergisé un peu, c'est plus facile. Bon, OK, après un séminaire, on l'est pour un mois, là, on a le temps de... Bon, OK, ça va. Sauf que l'idée, c'est pas... À un moment donné, vous allez vous dire, je comprends bien clairement que c'est pas moi là, qui est main-moite. Mais, je peux pas rien faire avec ce que je comprends. Manque d'énergie. Et là, on a commencé à comprendre ce que c'est que de sauver son énergie. Les individus qui vous têtent, côtoyez-les plus. Les événements qui vous têtent, côtoyez-les plus. On n'a pas le choix, côtoyez-les, mais chialez pas. Que l'on perd encore de l'énergie. Puis comme il y a une phrase clé, c'est « Prends ton corps et vas-y. » Puis dans l'observation, comme tu le mentionnes, ça ne donne rien d'en parler d'abord, de dire « Je me suis fait manipuler » ou « Je vais-tu » ou « Je vais-tu » Non, tu faut l'observer, mais c'est tout. Quand le rien disait à un pauvre bonhomme à un moment donné, là, c'est « Lève-toi et marche. » Parle-là au mental. C'est « Ramasse tes bébelles, dis « Va-t'en, tu bloques le chemin. » C'est simple. La personne n'était pas handicapée, mais elle était handicapée. L'être humain ne sait pas. Quand je dis, par exemple, vous êtes malade, trouvez une raison intelligente. Vous êtes en santé, vous ne serez plus malade. Pas une raison émotive. La raison émotive, elle fonctionne chez l'animal humain. Elle fonctionne chez certains êtres humains. Quand l'humain devient trop conscientisé, l'émotion ne passe plus. L'intelligence empêche cette mécanique. On aura du sentiment, on aura du sentiment, on sera capable d'apprécier quelque chose de beau, on sera capable de vibrer des choses. Mais on ne se fera pas ramasser continuellement dans notre intelligence par les facteurs émotifs. L'humain qui souffre, souffre. La solution, c'est que l'humain doit se dissocier de ce qu'il n'est pas lui, puis va se rendre compte à un moment donné que lui, il ne souffre pas. Mais que ça souffre en maudit là-dedans. Lève ton corps, prends ton corps, fais-le, vas-y. Tu sais, tu veux dire à quelqu'un quelque chose, ouvre la bouche et dis-le. Là, tu lui dis, comme souvent les personnes qui veulent se communiquer parce qu'ils ont des affinités ensemble, des affinités vibratoires, j'aime ça être ici avec toi. Puis la personne, elle va dire, c'est pas pire, le décor. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Soyez évolué, soyez transparent. Tiens, c'est drôle, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était, je suis bien avec toi. C'est ça que je voulais dire. C'est, prends ton corps, fais-le. Et là, l'humain devient transportable. Il est contacté avec lui-même, de la partie qui n'est pas planétaire. Cherchez-la pas dans le monde de la mort, elle n'est pas là, votre partie, la partie salvatrice. Elle n'est pas dans les bijoux, elle n'est pas dans les crucifix, elle n'est pas dans les livres sacrés. Ça, ça a l'air de mettre du feu sur l'ego, sur le feu de l'ego. Mais c'est simplement de mettre que de l'essence. Plus de notre ego, il est là, on s'en occupe plus. On s'occupe de nous autres, de ce qui est important. Qu'est-ce qui est important chez l'humain? Recenser constamment ses problèmes? Ou plutôt être libre, lui? Oui, mais j'ai quand même des problèmes. Tu n'as pas de problème. Ben oui, mais mon gérant de banque, tu me dis tout le temps mon gérant de banque quand il m'appelle. C'est lui qui a un problème. Effectivement, il sera d'accord avec toi. Tu commences dans la rue, tu commences ceci, tu commences cela, reste toi. Dans 10 ans, tu vas dire, de toute façon, on va régler des problèmes matériels. Tu vas être là, par exemple, pour en bénéficier. Ce qu'on entendait, ceux qui ont des problèmes de caféine, il y a du café à l'extérieur. Pause de 15 minutes, ensuite la période de questions, vous pouvez soit les écrire sur un bout de papier ou les poser verbalement. À tantôt.